Section 13 de La grammaire de Mademoiselle Lily, par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 13. Le participe. Si nous passions au participe, dit Charlotte, la savante qui n'a plus rien dans la bouche. Elle est très forte sur le verbe, l'amie Charlotte. La maman en profite pour aller voir ce qui se passe à la cuisine et lui laisse la leçon à continuer. Vois-tu ? Le participe est un mot qui est gentil comme tout, un mot d'attrape. Tu crois que c'est un verbe ? Pas du tout, c'est un adjectif. Tu crois que c'est un adjectif ? Pas du tout, c'est un verbe. C'est un adjectif dans le verbe, c'est l'adjectif du verbe, comme l'infinitif en est le nom. Tu devrais m'en montrer des participes pour que je comprenne. Eh bien, tu te rappelles le prince charmant que je t'ai conté l'autre jour ? Charmant, c'est bien un adjectif, il n'y a pas à dire. Prends un peu le verbe charmer, tu y trouveras le participe présent, charmant. Ma petite Lily me charmant par sa gentillesse, je l'embrasse sur les deux joues. C'est toi qui es bien gentil. Pourquoi dis-tu le participe présent ? Parce qu'il y en a un autre. Le participe passé. Avec une révérence. Je suis charmée, mademoiselle, d'avoir l'honneur d'être de votre compagnie. Charlotte veut expliquer que le participe s'appelle ainsi parce qu'il participe à la fois du verbe et de l'adjectif. Le verbe participer est bien gros pour mademoiselle Lily. L'explication en reste là. Fin de la section 13. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en mars 2021.